Retraite de méditation 2001, Sayadaw Upandita, 16e cassette. Hier, on vous a expliqué comment le méditant expérimente les causes et les effets et comment, au moment où il les observe en lui, il voit le début, le milieu et la fin des objets et particulièrement la fin, la dissolution. Le méditant comprend ainsi le signe de l'impermanence des phénomènes, anicca lakkhana. Il comprend le signe de la souffrance, dukkha lakkhana. Et il comprend le signe de l'insubstantialité, du non-soi, le fait que les phénomènes se produisent d'eux-mêmes, anatta lakkhana. Si le méditant poursuit son effort, la pratique va devenir très aisée. Il ne devra plus appliquer l'esprit à l'objet, il ne devra plus faire d'efforts pour l'y maintenir. Tout ceci va se passer automatiquement. L'esprit va spontanément atteindre la cible. Le facteur jhanik de vitakka, l'application initiale de l'esprit à l'objet, et le facteur jhanik de vichara, le maintien de l'esprit sur l'objet, ces deux facteurs vont disparaître. À ce stade, ces deux facteurs s'estompent donc, mais le rythme qu'ils ont créé n'est cependant pas perdu pour autant. La concentration du méditant va également devenir très profonde à ce stade. À cause de cette profonde concentration, la joie, piti, va se manifester. Cette forme de piti est plus forte que la joie qui s'était manifestée au début de la pratique. La joie des débuts est faible, mais à ce stade, elle va devenir très forte. Les deux premiers facteurs jhaniques de vitakka et de vichara ont donc disparu, et le méditant expérimente maintenant les facteurs jhaniques de la deuxième absorption uniquement, piti la joie, sukha le bonheur et ekagata la fixité de l'esprit. À ce point de la pratique, ces trois facteurs jhaniques se manifestent. Aloba, l'absence de désir, adosa, l'absence de colère et amoha, l'absence d'ignorance, vont également prendre racine dans l'esprit. Ces trois états mentaux sont les racines du bien, de kusala hetu. Elles donnent naissance au bien. Lorsqu'un arbre prend racine dans le sol, ses branches et ses rameaux vont pouvoir se développer et devenir luxuriants. De la même façon, lorsque aloba, adosa et amoha s'enracinent dans l'esprit, les qualités positives se développent et deviennent luxuriantes. Il y a 10 qualités qui vont progressivement se développer à ce stade. La première, c'est obassa, l'illumination. Ceci veut dire que les pollutions ne pénètrent plus dans l'esprit. En conséquence, les rides qu'elles provoquent n'apparaissent plus. Ce sont maintenant des rides positives qui vont envahir l'esprit et en conséquence, il va devenir très clair. Le corps va s'assainir. Et tout particulièrement le sang qui va devenir très pur, la circulation sanguine va s'améliorer. Le méditant qui expérimente obassa verra son environnement illuminé. Il se peut même que ce soit son propre corps qui soit illuminé. Il arrive parfois que les méditants expliquent que c'est comme si un éclair de lumière était entré en contact avec leur corps. La qualité suivante qu'on est susceptible d'expérimenter à ce stade, c'est jnana, la connaissance. Le méditant verra la rapide apparition et disparition des formations. Il les verra se succéder en lui extrêmement rapidement. À ce stade de la pratique, la connaissance est très vive. De plus, le méditant expérimente piti, la joie, et plus précisément balava piti, la forme développée de joie qui se manifeste soit par Ubega Piti, le transport joyeux, soit par Anna Piti, la joie envahissante. Le méditant a l'impression d'être soulevé du sol comme s'il lévitait. D'autres auront l'impression d'être assis sur un coussin d'air. Le méditant n'a pas envie d'ouvrir les yeux, il n'a pas envie de déranger sa pratique qui est si agréable. Une troisième qualité qui va se manifester à ce stade de la pratique, c'est Passadhi, la tranquillité. La tranquillité est très forte à ce stade et elle est associée à d'autres qualités dont le vénérable Sayadaw nous parlera plus tard. La quatrième qualité qui surgit à ce stade, c'est Sukha, le bonheur, le confort physique et mental. Ces trois dernières qualités, Piti la joie, Passadhi la tranquillité et Sukha le confort, sont ce que l'on appelle le bonheur du Dhamma, Dhammarati. La qualité suivante que le méditant va expérimenter à ce stade, c'est Adimokkha, une très forte détermination, une conviction. Il est convaincu que cette pratique est la bonne, que c'est la voie. La confiance et la foi qui surgissent à ce stade ne sont pas d'un type ordinaire. C'est une confiance très forte qui amène le méditant à vouloir parler aux autres du Dhamma, à vouloir les encourager à poursuivre leur pratique. Il se peut même que ce méditant essaie de convaincre ses amis de faire une retraite et qu'il fasse toutes sortes de plans pour faire connaître le sasana. La qualité suivante, c'est Pagaha, l'effort. En essence, Pagaha, c'est la même chose que Virya. On peut l'identifier à Arada Virya, l'effort initial. Il y a différents types d'efforts. L'effort initial est celui qui est présent au début de la pratique, mais il va ensuite devoir s'intensifier. Si le méditant persévère, il va bientôt expérimenter un deuxième type d'effort appelé effort progressif. C'est un effort qui ne cesse de croître, qui ne peut que s'intensifier, il ne régresse pas. On le compare à l'effort qu'il faut fournir pour déplacer un objet d'un endroit à l'autre. Pour y arriver, il faut maintenir l'effort d'un bout à l'autre. En Pali, on parle de Pagahita Virya. Si le méditant poursuit sa pratique, il va finalement connaître un troisième type d'effort appelé Paripuna Virya, l'effort d'accomplissement. Ce troisième type d'effort apparaît lorsque la pratique a atteint son accomplissement. La qualité suivante que le méditant va expérimenter à ce stade se dit en pali Upatthana. En essence, c'est l'attention. L'esprit adhère à l'objet d'observation, il est établi sur l'objet de façon répétée. Un objet se manifeste et l'esprit y adhère immédiatement, il s'y établit fermement. Il n'y a ni pensée, ni imagination, ni distraction, alors que dans les stades du début, l'esprit vagabondait beaucoup. Upatthana veut donc fondamentalement dire attention. Dans les textes, on parle également de Supatthana Pati, une attention très fermement établie sur l'objet d'observation. On explique également dans les Écritures qu'à ce stade, le méditant est capable de visualiser tout ce qu'il veut. Il lui suffit pour cela de diriger son esprit vers l'objet qu'il désire investiguer. Si par exemple il dirige son attention vers sa jeunesse, des souvenirs très anciens vont lui revenir en mémoire. Si le temps le permet, le vénérable Sayadaw donnera des explications plus détaillées à propos de Upatthana. La qualité suivante, c'est upekkha, l'équanimité. Dans ce contexte, on parle de anawajan upekkha, une équanimité équilibrée, un équilibre mental. Ces neuf qualités ou facteurs mentaux positifs sont d'excellents avant-goûts du Dhamma. Si l'arbre prend racine dans le sol, que son tronc se développe, ses branches et ses rameaux vont pouvoir proliférer. Il y a encore une dernière qualité que l'on appelle Nikanti, le bonheur. Dans ce contexte, c'est le bonheur du méditant qui expérimente Obhassa, l'illumination, Piti, la joie, Passadi, la tranquillité, etc. Ce type de bonheur, qui est donc lié à l'apparition de ces neuf qualités, n'a rien à voir avec Kamaguna, le bonheur lié au plaisir sensuel. Il ne faut pas non plus confondre Nikanti avec le désir pour ses plaisirs sensuels, Kamatanha. Nikanti est malgré tout de nature négative, car si le méditant s'attache à ces neuf qualités, qui en elles-mêmes sont cependant des kusalas, des facteurs positifs, s'il s'attache par exemple à l'illumination, à la connaissance, à la joie, ces qualités deviennent impures parce que le méditant y prend plaisir. C'est la raison pour laquelle on classe ces qualités dans les vipassana ou pakilesa, les imperfections de la sagesse. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qui a déjà été dit à propos de l'illumination Obhassa. Mais la deuxième qualité, la connaissance, mérite d'être approfondie. Cette connaissance, cette jnana, n'est pas une connaissance ordinaire. C'est la vision, la connaissance extrêmement rapide de l'apparition et de la disparition de l'objet. Un objet s'efface pour donner naissance au suivant. Jnana est une connaissance très concentrée, très ferme, très claire, très distincte et progressive. Les conditions pour l'apparition de ce type de connaissance sont tout d'abord la concentration. Si le méditant observe de façon concentrée et qu'il poursuit son effort, la concentration va se développer, son esprit va devenir calme et serein. À cause de cette sérénité, l'attention va atteindre la cible. Plus il sera calme et concentré, mieux il verra la véritable nature de l'objet. Il l'expérimentera de façon très concentrée. C'est pour cette raison qu'on parle d'une connaissance concentrée. Un autre aspect de cette connaissance, c'est qu'elle est très fine et pénétrante. Lorsque la pratique prend du rythme, que l'attention est maintenue de façon ininterrompue, que l'esprit ne glisse pas sur l'objet, qu'il ne le dépasse pas non plus, la connaissance va devenir ferme, puissante et aiguisée, tout comme le tireur qui atteint la cible en son centre. En méditation également, on va viser la cible et on va l'atteindre en son centre. Cette jnana est également définie comme étant puissante et se manifestant de façon répétée. La qualité suivante de jnana, c'est la largesse. Ceci veut dire que lorsque l'attention observe un objet de façon pénétrante, les autres lui apparaissent également. La connaissance est donc panoramique, elle n'est pas vague ni imprécise, mais très claire et très net. Au début, les impuretés mentales, les kilesas, se manifestaient abondamment. Mais à ce stade de la pratique, le méditant est libre des impuretés, ainsi que des deux premiers facteurs jhaniques, vitaka, l'application de l'esprit à l'objet, et vichara, le maintien de l'esprit sur l'objet. À cause de cette pureté, l'esprit devient très clair. Cette clarté de l'esprit c'est la confiance ou foi, sadhana. Concrètement, cela veut dire que le méditant verra tous les objets de façon très claire et très nette. Si l'eau est boueuse, il ne sera pas possible de voir le fond de l'étang, mais dès que les sédiments se seront déposés, ce sera possible. Lorsque les sédiments des kilesa, de vichara et de vitaka se seront déposés, l'eau deviendra très pure et la vision sera claire et distincte. La connaissance, jnana, dépend de l'effort. Parfois, le méditant sera surexcité, son esprit dépassera la cible. À d'autres moments, il sera paresseux et son attention n'atteindra pas la cible. La connaissance dont il est question ici est associée à pagaha, l'effort. Pagaha est un type d'effort progressif, un effort qui ne cesse de se développer. Plus l'effort se développe, plus la connaissance se renforce. C'est pour cette raison que la connaissance dont il est question ici est dite progressive. Jnana, la connaissance, a donc les attributs suivants. Est concentrée, pénétrante, puissante, ferme, elle est panoramique, très nette et progressive. À ce stade, le méditant détient donc cette connaissance extraordinaire, de même que Obhasa, l'illumination. Et qu'est-ce qui va se produire alors? Le méditant sera envahi physiquement et mentalement par la joie. Il va devenir calme et paisible. Lorsqu'il fait très chaud et qu'on entre dans une pièce où il y a le conditionnement d'air, on se sent rafraîchi et calmé. C'est cette même sensation de bien-être physique et mental que le méditant ressent maintenant. Piti, Pasadi et Sukha se manifestent en lui. Dans le Dhammapada, le Bouddha nous parle de ces trois qualités. Le moine se rend dans un endroit paisible pour méditer, l'esprit tranquille, il perçoit clairement le Dhamma. Il expérimente alors un type de joie qui surpasse de loin les joies ordinaires. Lorsqu'on se rend dans un centre de méditation comme celui-ci, c'est se retirer dans un endroit isolé. On commence alors à méditer en observant les différents phénomènes qui apparaissent et disparaissent. On fait usage de vitaka et de vichara. Progressivement, l'esprit se purifie des impuretés des kilesa. Vitaka et vichara vont peut-être même commencer à disparaître et la joie, piti, la tranquillité, pasadi et le confort, sukha, vont apparaître. Il devient alors possible de voir la rapide apparition et disparition des phénomènes. L'esprit est concentré, aiguisé, panoramique, capable de percevoir très clairement l'objet, et la connaissance qu'il développe est progressive. Arrivé à ce point de la pratique, un méditant n'abandonnera plus. Il expérimente ce que l'on appelle Amanusirati. Lorsqu'il voit la rapide apparition et disparition des phénomènes, qu'il a cette connaissance très claire, panoramique et progressive, il expérimente spontanément Amanusirati, la joie qui surpasse les joies ordinaires. Ce type de joie est de loin supérieur à la joie qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. En général, on prend plaisir à voir, à entendre, à goûter, à sentir de bons parfums. On aime les sensations de contact agréables, particulièrement celles qui proviennent du sexe opposé. Et on apprécie les belles pensées. Tous ces plaisirs sont appelés kamarati, le bonheur qui s'enracine dans les objets sensoriels. Mais le méditant qui en est arrivé à ce point de la pratique va expérimenter le plaisir qui s'enracine dans le Dhamma, Dhammarati. Ce plaisir est qualifié de Amanusi Rati, un bonheur tout à fait extraordinaire, le meilleur qui soit. Si on réfléchit au caractère inévitable de la mort, on va tout naturellement s'efforcer d'acquérir Amanusi Rati dans cette vie même. C'est de cette façon qu'on décrit Dhammarati dans les Écritures. Dans cette Amanusi Rati est incluse Pasadi, la tranquillité, le calme qu'expérimente un esprit libre de l'excitation, et tout particulièrement de Udacha, l'agitation, et de Kukucha, le remords et le regret. Il y a encore beaucoup d'autres facteurs mentaux qui vont pénétrer le courant de conscience en association avec Pasadi. Nous allons étudier ceci également. Il y a tout d'abord l'ahuta, la légèreté. Ensuite, Mudita, la malléabilité. Kamanyata, le contrôle, la maîtrise. Pagunyata, la santé, ce qui veut dire que la pratique se poursuit sans heurts. Et Ujjukata, la droiture. Ceci veut dire que le méditant ne se sent plus l'esprit tortueux. Avant d'entamer la méditation, il a peut-être commis des erreurs, mais arrivé à ce point de la pratique, il les regrettera et s'en confessera. L'esprit devient très clair car libre des impuretés. Il devient beau. Cette beauté et cette pureté de l'esprit vont avoir des effets sur le corps. Plus l'esprit est pur, plus le corps le devient. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais n'ayant pas le temps, nous poursuivrons cet enseignement ce soir. C'est par la méditation qu'on parvient à se débarrasser de la laideur et qu'on peut acquérir la beauté. Mais il faudra pour cela atteindre au moins la première conscience du chemin dans cette vie même. On deviendra alors un être supérieur, meilleur que l'être ordinaire, ce que l'on appelle en pali Uttama Pugala. Au début, le méditant pratique en s'efforçant de maintenir son sila intact. Ceci fait de lui un être distingué. Il poursuit sa pratique et son entraînement à la concentration et devient tout doucement un être humain au sens plein de ce terme. Lorsqu'il atteindra la première conscience du chemin, il sera devenu un être supérieur aux êtres ordinaires. La beauté qu'il détiendra alors ne se perdra jamais.